Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et oui, 23h, maintenant passé de 30 secondes. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça c'est l'habitude du matinalier hein, quand même, hein, qui dit tout le temps bonjour. C'est certain, ouais. Mais bon, on peut commencer maintenant la matinée si tu veux. Ouais, effectivement, on va la commencer dans une heure, quand il sera minuit. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de Fadjet pour ces 30 heures d'émission de non-stop, d'émission non-stop sur Fadjet pour fêter les 30 ans de la radio. Et oui, déjà 30 ans. Eh oui. Eh oui. Vous l'avez sans doute reconnu, le rire le plus tonitruant de la bande FM. Il est là ce soir. Il a quitté lui aussi sa matinale, c'est Thomas. C'est salut, beau, Thomas. Hein. Salut Julien. Salut les amis. Autour de la table également, nous avons Sophie. Salut Julien, salut à tous. Tu m'as donc suivi dans cette aventure. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Parce que j'étais là peut-être. Oh. Tu crois? Ça commence, hein. Bon, on va vous laisser tous les deux, hein, d'accord? On peut éteindre les lumières en sortant, s'il vous plaît. Et ça marque son retour à la radio, oui, Béranger. Salut. Bonsoir à tous et bonsoir à Thomas, à Fadjet, à tous les auditeurs, à Sophie, à Julien. Je me sens un peu exclu, hein, je suis pas parti de la matinale, mais. Non, mais dans une heure, on sera en matinale. Donc... Exactement. Mais je pense que les auditeurs se souviennent de Béranger pour cette belle émission autour du sport. J'espère, et on en parlera durant cette émission. Effectivement. Mais ça, c'est pour un tout petit peu plus tard. Comme le disait le superbe jingle. Chaque créneau horaire a une année, des amis. Eh oui. Et nous avons tiré le gros lot, 1999. Ce serait le moment du focus sur l'année. On peut le faire maintenant, hein. On peut y aller. Allez, on y va. Quitte à le faire en plusieurs fois. Hein. Non, on va le faire en. D'accord, fais-le d'un coup. On y va ? Ah bah vas-y. Ah oui, ok, on est parti comme ça. Ah très oui, bien. On est parti comme ça. Très bien. J'ai pas de jingle spécialement pour ça. C'est ce qu'on attendait en fait. Oui, en fait, c'est ça. Non mais c'est Fadjet, hein. Voilà, c'est. C'est fait maison. Non, c'est surtout qu'en même temps, je bois un coup. Hein, donc vous êtes gentils, vous. Bon, chers amis, 1999. Allez, vraiment l'événement marquant de 1999. On s'en souvient tous. C'est le 11 août. Cette éclipse solaire, la dernière éclipse totale du siècle et du millénaire, qui était visible en Europe, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Inde, etc. Je pense qu'on en a tous un souvenir. Mmh. Hein. Ah oui. Oui, je m'en souviens très bien. J'étais en CM2. Ça, okay, c'est, donc, ça, alors, c'est scandaleux, ça. Donc, pour les auditeurs les plus perspicaces, ouais, d'ici la fin de l'émission, vous essayez de deviner l'âge de Sophie. Voilà. Vous nous envoyez ça sur le Facebook de Fadjet. Allez, en Afrique, le 15 avril, Abdelaziz Bouteflika remporte l'élection présidentielle en Algérie. 74% des voix au terme d'un scrutin plutôt contesté. Le 2 juin, Nelson Mandela ne se représentera pas. Et donc, du coup, ça marque la fin de sa carrière politique pour ce grand homme de paix en Afrique. En Amérique, le 1er avril, c'est pas un poisson. C'est la création au Canada du territoire du Nunavut. Vous savez, le territoire des Esquimaux. Ah oui. Eh oui. Bah voilà, ils ont un territoire, un pays à eux, depuis 1999. Et puis le 31 décembre, la restitution de la zone du canal de Panama qui appartenait aux États-Unis. Eh oui, ça a fait. Il s'en est passé des choses. Effectivement, il fallait le savoir. Alors, 1999, c'est aussi l'introduction de l'euro. Et oui, à partir du 1er janvier 1999, introduction donc de la monnaie européenne dans 11 pays de l'Union. Et puis, le 12 décembre, là, je passe... Du coq à l'âne. et je fais un saut dans le temps. Le 12 décembre, naufrage de l'Erika, noire sur les côtes de Bretagne. On s'en souvient tous là aussi. Et puis, 31 décembre, événement important pour la géopolitique international et surtout russe, démission surprise du président russe Boris Yeltsin et son premier ministre qui s'appelle Vladimir Poutine prend les fonctions de président qui ne lâchera quasiment pas. Si, il sera premier ministre à un moment donné dans l'histoire, mais il sera remplacé par un président fantoche. Si je ne m'abuse, c'est un peu comme Bouteflika. La même année, ils sont arrivés, ils sont toujours là les deux. Hein. C'est un peu ça, effectivement. Voilà, c'est tout pour cet éphémère de 1999. Parfait. Et si on se mettait un peu de musique de 99, Julien, maintenant ? Oui. Et donc, du coup, hors antenne, on parlait de Britney Spears et de Katy Perry. Bon, voilà, des jeunes femmes au charme certain. Et donc, le titre de 1999, c'est Britney Spears avec Baby One More Time. Qui pleuve, qui neige, qui vente. Plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto. Fadjet 94.2. C'est toi ma radio. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. C'était bien Thomas qui chantait en même temps que Britney. C'est bah ouais, quand même. La je l'adore. C'est mon kiff. Pardon. Retour dans ces 30 heures de direct. Il est 23h09 sur l'antenne de Fadjet. Vous le savez peut-être si vous nous écoutez depuis 9h déjà ce matin. Et oui, effectivement. Et oui. Chaque heure, une interview, un focus sur un des bénévoles qui ont marqué la radio. Et donc, pour cette heure-ci, c'est Jean-Noël qui a répondu aux questions des questions de qui d'ailleurs ? Il y avait des questions de notre ami Florent, de Fabienne, c'est peut-être ? C'est ça, tout à fait, voilà. Tandis que Thomas est parti au grenier chercher l'interview. Hop, il est là. Ça y est, il a trouvé le carton, il y avait le... On peut y aller alors, on y va ? Allez, on écoute Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël Chauvet, enfin plutôt bonsoir vu l'heure qu'il est. Quel a été votre rôle à Fadjet ? En quoi consistaient vos missions ? Ma mission, mon rôle, c'était être que secrétaire général. Et le secrétaire général, c'est pas quelqu'un qui tape à la machine, ce que je serais un petit peu incapable de le faire bien, de toute façon. C'est quelqu'un qui s'occupe des questions avec le trésorier, la directrice, la présidente ou le président, de voir les parties administratives, l'inscription des nouveaux entrants, les salaires des salariés, les banques, leurs relations avec les banques, et surtout les gros dossier de demande de subvention, parce que évidemment Faget, comme beaucoup d'associations, n'a pas de financement propre. Il y a des dossiers assez importants à faire une fois par an pour chacun de ces organismes, et ça demande un certain temps, disons. Pour bien comprendre, vous avez jamais été spécialement derrière le micro alors? Ah non, jamais. Non, mais ça aurait pu se faire. J'aurais pu demander de faire une émission, par exemple. Mais comme j'avais largement de choses à faire, je venais trois fois par semaine, trois après-midi, deux heures en gros. Donc non, je me suis jamais branché sur la radio. Il y a des jeunes, il y a plein de gens qui sont intéressés, qui sont capables et qui ont envie vraiment de le faire. C'était pas mon rôle réellement, si je peux dire, voilà. D'accord, vous étiez de ces bénévoles discrets qui travaillent dans l'ombre et qui font en sorte que voilà, tout fonctionne. Voilà, je travaillais dans l'ombre, c'est un très beau le mot là. Comment vous voyez Faget à l'époque où vous y étiez, et comment vous voyez Faget maintenant ? Ah bah maintenant, je ne l'ai pas vu depuis un certain temps, depuis la première soirée pour les 30 ans. Oh non, bah quand j'y étais, je ne sais plus, en 95 et 2010, enfin en gros dans ces eaux-là. Si je suis venu à Faget, parce qu'on m'en a parlé, parce que je suis arrivé sur Nancy en venant de la région parisienne, etc. Bon, pour des raisons de famille, pour des tas de raisons. Et donc, je cherchais une activité en plus de ce que je faisais. Je cherchais quelque chose à faire, comme des retraités qui n'ont pas d'autre activité. Et donc, on m'a dit, mais Faget, c'est pas mal pour les jeunes, c'est une radio pour les jeunes, pourquoi pas, etc. Est-ce que vous pensiez qu'un jour, Faget aurait 30 ans ? Oh, je m'étais pas posé la question, dans la mesure où je savais qu'on aurait des financements. Pendant un certain temps, il s'était plus ou moins engagé moralement. Donc ça, c'était le principal. Si on avait le financement, on pouvait tenir. Donc là, je m'étais pas posé la question, est-ce que Faget va tenir, bien que j'ai vu d'autres radios qui tombaient autour, mais qui, à mon avis, qui n'avaient ni cette organisation, n'y avait pas non plus cette valeur morale, si je peux dire. Pour faire simple, vous saviez que si financièrement il y avait de quoi organiser, il y aurait toujours des bénévoles qui pousseraient la porte. Voilà, bah ça au niveau des bénévoles, oui, ça je savais qu'il y avait largement, à la rentrée de septembre, il y avait toujours énormément de bénévoles qui venaient et qui étaient intéressés par ça. Pour les jeunes, c'est vraiment intéressant, comme disait le fondateur, si on les fait causer dans le poste, c'est une très bonne chose, et ça les ouvre eux-mêmes. Eh ben merci beaucoup Jean-Noël Chauvet d'avoir pris le temps de discuter avec nous et de témoigner de votre passage à Faget. Eh ben je t'en prie, et je vous souhaite à tous ceux de Faget de continuer dans la même lignée et de faire tout ce travail qui est quand même très intéressant. À bientôt, au revoir. Faget à Nancy sur 94.2. 23h13, retour dans ces 30 heures d'émission non-stop sur l'antenne de Faget. Et après avoir entendu Jean-Noël, eh ben on va retrouver l'ami Fred avec Multitube et une bande-annonce qui date de 2001. Vous avez envie d'un début de week-end rempli de bonne humeur et d'humour ? Une émission saupoudrée, juste ce qu'il faut d'une animation qui vous apporte tenue et gaieté ? Alors, le samedi, tendez vos oreilles. De 9h30 à 11h, nous vous proposerons un florilège de tubes d'hier et d'aujourd'hui. Notez bien ce rendez-vous, chaque samedi, Fred et Laurent vous attendent pour 1h30 de divertissement. Pour bien commencer votre week-end, ayez le réflexe Multitube, chaque samedi dès 9h30 sur Faget. Faget, 30 ans, 30 heures de direct. Et Faget, c'était aussi des interviews, et parfois des interviews de gens connus. Si je vous dis Le Figaro, éditeur, écrivain, vous me dites... Yeux bleus aussi, très beaux yeux bleus. Très bleus, ouais, effectivement. Ouais, eh oui, Jean Dormesson. Immortel Jean Dormesson, et ben il était sur l'antenne de Faget, et c'était en 1999. Depuis 1985, Faget, un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. Ils sont tous passés au micro de Faget. De l'abbé Pierre à Antoine Decaune, de Jean Dormesson à Lilian de The Voice, ils sont le symbole de la diversité des programmes de Faget. Tout de suite, un morceau choisi juste pour vous. Parfois, on en apprend des belles, comme celle-ci. Jean Dormesson aurait voulu être un skieur professionnel. J'aurais adoré être un skieur professionnel. Je dois vous dire que je piaffe à l'idée d'aller skier. Dans 4 ou 5 jours, je pars skier et je serais très bien vu comme moniteur de ski. J'aurais adoré ça. Bon, c'était en 1999 au micro de Stéphane Kaltchev pour Charlie & Co. Je vous rassure, les lettres restent toujours la passion de Jean d'Ormesson. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Allez, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Pop culture, culture pop. Allez, bah du coup, la véritable émission commence, et en tout cas, la mission de ce quatuor de choc va être plutôt de vous emmener sur les rivages de la pop culture. Vous allez voir, on va aborder différents sujets d'une manière très très subjective, comme à notre habitude en même temps. Oui, pour une fois qu'on peut faire de la subjectivité, ça nous change de la matinale. on se doit d'être très objectif, surtout pour ceux qui font les infos, n'est-ce pas Sophie? Effectivement, ça demande un minimum d'objectivité. Et effectivement, et du coup là on a décidé de parler ce qui allait nous plaire, et en espérant bien évidemment que ça va également vous plaire. On va commencer avec toi Sophie. Mais avant de te retrouver, les pop culture, c'est aussi de la musique. Ah oui. Eh oui, Alain Bachung avec Volute. C'est à la fin des années 90, début 2000, hein, ce titre. On est pile dedans. L'immense Alain Bachung. Et je pense que c'est le titre assez idéal pour un 23h16, un vendredi 20 novembre. Volute part en fumée, volute fond des nuées. Des nuées de scrupules. Volute part en fumée vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances. Me lance des dagues et des lances en toute innocence. Part en fumée, sous les yeux embués, d'étranges libellules. Pour une grimace et un rictus de plus, je fais 2 heures sous. Je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Il est 23h20 sur l'antenne de Fadjet. On commence la première chronique de pop culture, culture pop, avec toi Sophie. Et ce soir, tu vas évoquer l'enfance et les références culturelles de notre enfance qui vont peut-être nous construire comme adultes. Est-ce que je vais trop loin ? Non, c'est exactement ça, Julien. T'as tout compris. C'est à toi, on t'écoute. Alors, en toute franchise, culture pop, pop culture, au départ, à part une vague notion de symétrie axiale, c'était un peu nébuleux pour moi comme concept. Culture, ça m'évoquait bien de vieilles notions scolaires entre croissant fertile de Mésopotamie et contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Pop, effectivement, il y avait ce fameux titre de Britney que mon frère n'a même pas honte d'aimer. Peut-être qu'il devrait, mais ça, chacun son avis. Bref, j'en étais là de mon coq à l'âne réflexif quand, en bon produit du 21e siècle, je me suis dit qu'il serait peut-être quand même temps d'aller taper pop culture dans la barre de mon moteur de recherche. Alors, qu'est-ce que dit Wiki ? Wiki dit que la culture pop, culture populaire, représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d'être appréciée par le plus grand nombre. Donc si je comprends bien, et là j'attends ta confirmation Julien, tout ça en fait, c'est nos références communes. C'est ça. Ok. Je confirme. Très bien. Bon, jusque-là, tout va bien. Bon, cher auditeur, l'occasion fait de l'arrange, je profite des 30 ans de Fadjet pour essayer de retracer comment ça se construit tout ça, cet imaginaire collectif. Et moi, ce que je crois, c'est que ça commence tout petit. Preuve en est que la pop culture, ça se construit tôt. C'est Sophie la girafe. C'est vrai. J'y avais pas pensé en même temps. Oui. Je suis sûre que tous les chroniqueurs autour de cette table en avaient une. Mais on en a tous une, bien sûr. En 87 en 80 ou en 77, c'est ça. Oui, c'est ça. En 977. Oui, oui, oui. Bon, allez-y, en 1800, pourquoi pas. Ouh, ils sont vieux, les chroniqueurs de Fadjet. Allez, on leur fait plaisir. La pop culture des années 87 à 97 à la télé, c'était Club Dorothée, l'animatrice chanteuse avec l'invasion des dessins animés. Ouais, japonais, Dragon Ball, Nicky Larson, Chevalier du Zodiac et Sailor Moon. C'est toi qu'on entend dans le fond là ? Qui chante ? Ouais. Arrête, moi j'avais ma carte hein. Non. Non, je plaisante. C'est la soirée des dossiers aujourd'hui, mais... c'est ça ou... Mais tu sais que cela dit, j'étais jaloux de pas voir mon nom au générique quand même à la fin des émissions. Tu m'étonnes. Et puis à cheval sur cette période, c'est les dessins animés aussi, des minicums, les sketchs, des marionnettes à l'effigie des chanteurs, acteurs, animateurs, et l'invasion aussi des dessins animés mêlant vieux classiques et nouveautés. Moi je me souviens de la marionnette Josiane Balasco. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens très très bien de ça. Et il y avait aussi Nagui dedans. Ça, ah oui, exact. Il y avait Vanessa, il y avait Johnny. Enfin, ils avaient tous des sacrés tempéraments. Ils campaient des personnages assez sympas. Vous vous souvenez de ça quand même. Donc là, c'est là que Simpson tutoyait Titeuf, Tom Sawyer côtoie les Razmoquettes, Tortue Ninja et Princesse Starla sont là, et Arnold n'est pas loin, Pokémon se fait une place. Ils sont nombreux, les nostalgiques de Minicum, et tellement qu'ils ont même eu droit à leur rediff à Pâques et à Noël. Mais quand on est petit, ce qui rassemble aussi, c'est les gens en cours de récré. Il y a eu les billes, il y a eu les POG, il y a eu les échanges de feuilles d'idole et des cartes Panini, il y a eu les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, il y a eu les toupies Beyblade. Et puis, la dernière en date, c'est de s'échanger des cartes à l'effigie, des personnages Disney et Pixar. Mais aussi le jeu de société, le jouet. Et chers auditeurs, vous serez peut-être étonnés, mais le Playmobil, avec ses meilleures ventes de l'histoire en 2012, est définitivement pop culture. Tout comme le Monopoly, le Scrabble, la Bonne Paye et le Uno. Et ce, malgré l'immense regain de créativité de nombreux jeux de plateau ces dernières années. Alors, vous me direz, elle est un petit peu optimiste, cette fille. C'est sans compter le nombre incroyable d'enfants qui ont quand même une tablette numérique greffée à leur poignet. Mmh. On en profite pour rappeler que d'ailleurs l'abus de tablette numérique est dangereux pour la santé de l'enfant. Mais nous aussi on avait notre tablette numérique, c'est juste qu'elle s'appelait pas du tout comme ça et qu'elle faisait un tout autre bruit. Ça. Exactement. Ah bah oui, la console date de 1999, donc forcément, il y a un petit retard à l'allumage. On y joue encore aujourd'hui, hein. Moi, oui. J'y rejouerais bien au Tetris. Mais moi, j'y ai rejoué cet été. Ah, tu vois. À la Game Boy. Non, pas vraiment à la Game Boy, sur des téléphones portables, maintenant sur smartphone. Oui, c'est vrai. Ah oui. Je suis sûre que c'est un objet vintage qui se vend à prix d'or sur le bon coin. Exactement. Comme le Minitel, comme tout ça. Exactement. Alors finalement... Dans cette pop culture, il y a des mouvances, mais il y a surtout des intemporels, des vestiges qui tracent la route d'une culture pop transgénérationnelle, à l'instar par exemple de Star Wars. Sauf quand votre grand frère a enregistré l'Empire contre-attaque sur Princesse Sissi, ce qui a définitivement sclérosé nos relations pour les à peu près 30 prochaines décennies. Mais ça sent le vécu, je sais pas pourquoi, mais ça sent le vécu. C'est une autre histoire. Et le langage alors dans tout ça, mais si soyons honnêtes, si vous utilisez Pérave et Mazette, c'est que vous êtes nés entre 77 et 80. Vous merci. Avez... Mazette. En plus, je le dis Mazette. Hein, elle a dû le remarquer en fait. Si vous avez dit « je n'ai pas encore fait développer ma pellicule », c'est que vous êtes né entre 80 et 85. Entre 85 et 90, vous êtes énervé contre l'abruti qui n'avait pas rembobiné sa cassette vidéo. Vous avez dit « fastoche, bon bec » et « se croûter » entre 90 et 95, « cool » carrément entre 95 et 2000. Et à partir de 2000, vous avez recommencé à parler verlan. Et là, en 2015... J'ai fait mon enquête auprès de ma petite patiente de 15 ans. Qu'est-ce qu'on dit dans les cours du lycée ? Alors, dans les cours du lycée, on dit « c'est de la frappe ». Et « c'est de la frappe », ça veut dire « c'est trop cool ». Ou alors on dit « t'es frappe aujourd'hui », ça veut dire « t'es jolie ». Ou alors on dit « t'es un thug », ça veut dire « t'es un voyou ». Tu vois, tu sèches les cours, t'es un thug. Enfin bref, pop culture, si c'est tellement de la frappe, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est peut-être un peu parce que ça donne de l'eau au moulin des nostalgiques, c'est peut-être un peu parce que ça nous permet de nous évader dans des univers de fiction et de fantastique, mais c'est peut-être surtout parce que c'est l'occasion d'attention conjointe, de rire ensemble à propos d'eux, c'est peut-être l'occasion de se rassembler en se ressemblant. Qu'est-ce que c'est beau, oh, merci vache. Sophie. En fait, alors, à chaque fois, ça se termine comme ça, la conclusion, un peu philosophique, comme ça, un petit peu aérienne, ça vole très haut. Ah oui, non, merci les amis. Ça donne envie de mettre une virgule, tiens. Vous êtes toujours dans Pop Culture, Culture Pop. Petite réaction peut-être autour de la table, autour de cette chronique, autour de l'enfance, des références culturelles, comment elles nous ont construits. Ben, on constate finalement quand même qu'on a tous vécu nos 10 ans un peu pareil, on a tous vécu, mais avec des choses différentes. Je te rejoins Thomas, je pense qu'effectivement, par exemple dans les cours de récré, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui marque les enfants, c'est les collections, quoi. Les collections de billes, les collections de pop, les collections de cartes. Mais peut-être une nuance, c'est que les collections vont plus vite. Effectivement. Puisque quand je me souviens, Julie, on a à peu près le même âge tous les deux, nous on avait la collection de billes, ça nous faisait 3, 4, 5, 10 ans, enfin j'exagère peut-être sur 10 ans, mais on faisait toute notre primaire. Scolarité primaire, ouais. Et puis après arrivait un autre jeu, et puis on faisait encore 2, 3 ans avec. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que tous les mois, il y a une nouvelle collection, un nouveau jeu qui arrive. Oui, j'ai la même impression, je pense que... Mais il y a encore des jeunes qui jouent avec des billes quand même. Oui, et c'est ça qui est fou, c'est que finalement ça se croise. Et oui, les modes restent les mêmes. Bah oui. Les modes restent les mêmes, mais elles vont plus vite, quoi. On a l'impression que, voilà, tous les mois, là, les billes, elles arrivent et puis elles repartent, quoi. Et alors, autour de la table, les fanas du Club Dorothée, c'était qui ? Moi, évidemment. Il y a même des gens qui sont dans le studio, mais qui parlent pas, qui lèvent les doigts. Je débinerai pas, c'est Aurélie de Fadjet. Hein. Moi, j'attendais qu'il y ait mon nom à la fin du générique de l'émission. Ah bah voilà, comme moi. Voilà, pareil, voilà. Tiens, tu sais, ça donne envie de remettre ça, tiens. Oui. Le petit générique, hein, quand même, c'était incroyable. C'est de quelle année, ça, Club Dorothée, le début ? 87-97. Mais elle avait commencé avant sur Antenne 2. Tout à fait, oui. Et notamment, elle faisait les mercredis récré à deux avec William Lémergie. Elle a commencé avec William Lémergie aussi. Voilà. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui a beaucoup changé aujourd'hui pour nos jeunes, nos enfants ? C'est qu'il n'y a plus ces repères à la télévision. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que nous, on avait un repère. On savait que le mercredi, on retrouvait Dorothée. Ben effectivement, enfin moi je sais aussi que je crois que ce qui a fait aussi le succès, enfin parce que pour le coup moi j'étais fin génération Dorothée, début génération Minicum, et je crois que pourquoi la transition a fonctionné, c'était que les Minicum quand même c'était des personnages assez forts avec des tempéraments bien ancrés, et on pouvait toujours s'identifier en fait à l'un ou l'autre des personnages. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression, bon, sans vous la faire la vieille nostalgie parce qu'en plus ça me ressemble pas du tout, mais que dans il y a plus en fait dans l'émission, dans les émission jeunesse, en tout cas un fil conducteur comme ça qui soit incarné, enfin autant incarné. Oui, c'est peut-être qu'une série de dessins animés, enfin de séries animées, d'animation, et c'est vrai que ça a peut-être perdu un petit peu de charme, en tout cas le charme que nous on aimait quand on était quand on était gamin. Allez, on n'est pas là pour être nostalgique, non, les enfants. Non. IAM, je danse le Mia. Ça va bien avec le club de Dorothée. Bah ouais, bien sûr. Bah, et une fois qu'on sortait du club de Dorothée, on allait au NBA. Bah bien sûr. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle à nos trois corps en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins, des buloni. Dès qu'il passait Caméo, Midnight Star, SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au vent et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au palais. Des Renault 12 sur le parking. À l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure, le frère aura piqué. Oh comment tu parles à ma soeur. Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière les cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. L'un disait fils, y'a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent. Hop, pardon, je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi je danse le Mia. Comme les voitures, c'était le défi. K8, c'est 73, JM 120, mon petit. Du grand voyou à la plus grosse montre. Vietnamien sur le volant, avec la moquette. Par un soleil pionnier sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la Starsky. J'avais la nuque longue, Eric aussi, Malek, Coco, la coupe à la Marley, Pascal et Rasta, des affreux sur François et Joe. Déjà à la danse à côté des personnes, ne touchait une bille. On dansait le Mia. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. ...23h31 dans ces 30 heures de direct. Vous êtes toujours dans Culture Pop et Pop Culture et on arrive à la deuxième chronique de l'émission et cette fois-ci c'est Thomas qui s'y colle. Et oui, avec plaisir. Thomas, il aime la radio depuis très très longtemps. Il m'a avoué hors antenne en préparant cette émission qu'il jouait à faire de la radio dans sa chambre avec un magnétophone. Ça, c'est vrai en plus. Et donc du coup, c'est un peu notre historien de la radio, 30 ans de Fadjet. Thomas, tu voulais nous raconter l'histoire, la merveilleuse histoire de la radio. Eh oui, puisque la radio, tout commence dans les années 20, chers amis. Dans les années 20, il y avait une dizaine de radios qui émettaient dans toute la France. Oui, mais voilà, la guerre est passée par là, la Seconde Guerre mondiale est passée par là. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous le savez peut-être, le gouvernement a décidé de reprendre la main sur la radio et a créé un monopole. L'ORTF est né. Mais seulement, certaines radios ont trouvé le moyen de contourner la règle. C'est ce qu'on a appelé les radios périphériques. Pourquoi ? Parce qu'elles émettaient hors de France. Parmi elles, par exemple, Radio Luxembourg, connue aujourd'hui sur le nom de RTL, qui émettait directement depuis le Luxembourg. Il y avait Radio Monte Carlo, qui émettait directement depuis Monaco, RMC aujourd'hui. Et puis enfin, Europe numéro 1, qui, à l'époque de sa création, émettait depuis la SAR, qui était dans l'ex-RFA, l'Allemagne actuelle. Mais alors du coup, c'était déjà des radios libres, Thomas ? Et pas vraiment, les radios libres apparaissent plutôt dans les années 70. Non, c'était plutôt les premières radios commerciales. Et figurez-vous que les radios libres apparaissent dans les années 70 avec une faille dans la réglementation italienne qui a permis notamment de faire baisser les coûts des émetteurs FM. Et c'est alors que sont nées des radios au nom souvent évocateur des revendications qu'elles portaient. Il y avait par exemple Radio Verte qui était fondée en collaboration avec le groupe écolo Les Amis de la Terre qui était à l'époque présidé par Brice Lalonde. Radio On se débrouille, Radio Bastille ou encore Radio Lorraine Cœur d'Acier fondée ici par la CGT, notamment sur le secteur de Longwy. Et c'était pour protester notamment contre la fermeture d'usines sidérurgiques. Alors ces radios, elles étaient autorisées ? Eh ben non, et il faut préciser d'ailleurs que ces radios libres, dites radios pirates, se sont retrouvées au cœur d'une lutte contre le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'elles étaient brouillées par la police, elles ont fait l'objet de descentes dans les locaux. Bref, une véritable guerre était menée par le pouvoir, notamment contre ces radios. Alors, on le sait tous, la bande FM, bah, elle a été libéralisée par l'arrivée de la gauche au pouvoir par Mitterrand. Alors, oui, mais ça lui tenait pas plus à cœur que ça, figurez-vous. François Mitterrand, en fait, il s'est tendu un piège dans lequel il est tombé, tout simplement, puisque, évidemment, pendant qu'il était candidat à la présidentielle de 1980, il a voulu soutenir une radio qui avait été fondée par des membres du Parti Socialiste, qui s'appelait Radio Riposte. Et l'histoire veut qu'il était dans les locaux de cette radio au moment où une descente de police a été effectuée. Il a été arrêté, il a été inculpé. Et donc, bah forcément, hein, quand il a été élu président de la République, il a bien fallu qu'il assume. Alors, donc après 81, que s'est-il passé donc ? Eh bien, les radios ont commencé à faire la course aux émetteurs. Plus ils étaient puissants, plus ils émettaient loin. Problème, évidemment, c'est que souvent, elles se brouillaient les unes les autres car elles émettaient plus ou moins sur les mêmes ondes. Et puis de plus, bah, les journaux de presse locale, elles ont vu d'un mauvais œil l'arrivée de ses concurrentes sur le marché de la publicité. Bref, l'État a donc dû réglementer tout ça en créant la haute autorité de la communication audiovisuelle, qui n'est ni plus ni moins que l'ancêtre du CSA. Et c'est à ce moment-là que les grands réseaux sont nés à cette époque, RFM, Énergie, puis en 85, des radios comme Fun Radio, Skyrock et consorts. 1985, c'est l'année de naissance de Fadjet. Comment ont évolué ces radios, Thomas ? Eh bien, il faut dire une chose, c'est que ces radios ont permis notamment la liberté d'expression, en tout cas une forme de liberté d'expression qui était très, très voulue par la jeunesse. On se rappelle notamment de la naissance d'émissions qui ont été grandement célèbres. Je pense notamment à Levin Fun, écoutez. Fun Radio, libre antenne. On va à Lille tout de suite, Fred, 21 ans, ça va ? Salut, ça va, salut Doc, salut Diffoul. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans un instant ? Dans un instant, je vais demander ma copine en mariage. Voilà, alors on parlait de tout, des problèmes de la jeunesse, on parlait de sexualité. Et puis il y a eu aussi les émissions, vous savez, un peu plus de libre antenne générale, un peu second degré. Rappelez-vous de Maurice, qui est officier à l'époque sur Skyrock. Maurice, Skyrock, 22h, 3615, code Skyrock, maintenant. Tu ne peux pas lutter. 16 1 42 36 96 96. Maurice est ici. Voilà, tu m'entends ou pas, Nadia? Tu m'entends ou pas? Fais sonner si tu m'entends. Bon, c'est bien, donc tu m'entends, ça fonctionne. Quel bordel, quel merdier. Bon, toi qui es dans la cambrousse, t'as pas entendu le début, mais c'est pas de ma faute, hein. J'y peux rien du tout. Allô, qui va là, je te prie? Allô? Qui es-tu? Oui, Jérôme. Non, tu étais Laurent tout à l'heure, bonne nuit. Voilà, c'est un autre ton, vous voyez. Et alors moi, ça me fait beaucoup rigoler, c'est le jingle ultra kitsch de l'époque, hein, Fadjet n'a pas à rougir. Et puis la radio, c'était aussi vraiment du très très second degré. Rappelez-vous, les libres antennes de la nuit, Max, le Star System et Gérard de Suresnes. C'est important, je te parle pas à chaque fois. Arrête de dire que je te parle d'un mec, de croire c'est... Mais je m'en fous, moi. C'est pas parce que ce soir, je suis mis en cravate. Parce que j'ai voulu faire plaisir à tout le monde. Et surtout à Jessica, qui... Non, j'ai voulu faire plaisir. Tu vois, j'ai voulu te faire plaisir. Parce que depuis le temps que tu me dis, ouais, tu viens toujours sans arrêt. Non, mais ça m'a fait plaisir, tu t'habilles en pingouin, c'est bien. Non, moi je suis épaté, franchement. Non, ça fait... non mais ça fait plaisir, non, mais attends. Je vais dire une chose, c'est la première et dernière fois que tu me verras habillé comme ça. Non, mais c'est bien, on a un peu sur la banquise, c'est joli. Non, mais je suis déjà venu. Voilà, hein, des débats qui n'en finissaient pas, qui duraient des nuits. Et puis la radio, ça a été l'occasion, cette radio libre, ça a été l'occasion pour des animateurs de se faire connaître, mais aussi de faire certaines bourdes. C'est un peu la limite de la liberté d'expression. Souvenez-vous de Coé, hein, qui avait malencontreusement fait une blague sur les camps d'Auschwitz en le comparant à une maison de vacances, ou encore de Skyrock, qui pendant 24 heures avait dû arrêter d'émettre suite à une blague sur la mort de deux policiers. Donc voilà, la radio, c'est aussi ça. Et puis, il y avait aussi la musique, Julien, on peut le préciser. Effectivement. Et en disant que c'était l'occasion, hein, toutes ces radios libres, mais ça, on en reparlera juste après, de faire découvrir d'autres styles musicaux, parce qu'avant elle, on écoutait ce que l'État voulait bien nous faire entendre. Effectivement. Merci, Thomas, pour cette chronique et cette... Tu es vraiment notre historien de la radio. Hein, Quand on aime, on compte pas. J'ai envie de te demander, tu as ressorti une cassette de Fun Radio pour le premier extrait de chez toi, C'est vrai. Non, j'ai retrouvé ça dans des reportages, évidemment. Alors, moi, ce que je peux remarquer quand même, c'est surtout par rapport à Maurice, vraiment tout était organisé et vraiment très pensé pour que ce se sent un peu le foutoir. Quand on écoute très bien le son, sa voix est un peu saturée. Il a énormément de présence et en même temps, et quand on écoute tout ce qui se passe derrière lui, les téléphones qui sonnent, on l'entend bouger, des choses comme ça, ça a donné un corps assez incroyable à cette émission que moi j'écoutais la nuit dans mon lit avec mon petit Walkman. J'avais des piles donc. J'avais des piles. Mais bien sûr. Oui, j'habitais dans un chambrousse, mais j'avais des piles, mademoiselle. Non, mais c'était pour dire que tu vois, c'était un appareil où qu'il fallait recharger avec des piles. Absolument. Tout à fait. Absolument. Et du coup, ça donnait un corps incroyable à l'émission. Alors, il s'y disait pas grand chose de vraiment terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Mais en tout cas, il y avait une ambiance. J'allais dire, finalement, ça s'écoutait plus pour l'ambiance. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que cette liberté de ton aujourd'hui existe encore en radio, d'après vous ? Je sais pas, parce que très franchement, j'écoute pas Fun, j'écoute pas Skyrock, j'écoute plus ces libres antennes là. Donc du coup, je saurais pas trop te dire. Moi, j'ai quand même cette impression par rapport à ça. Si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, la radio justement, c'est quelque chose qui est rentré dans l'ère de l'écrit. C'est-à-dire que même ces fameuses libres antennes, on a quand même parfois, souvent, l'impression qu'on a affaire à des comédiens qui appellent, hein, ou en tout cas qui sont pris en ligne à l'antenne, et que du coup, tout est ultra cadré, on n'a plus cette liberté de ton, d'expression qu'on avait à l'époque, on pouvait parler de tout, on pouvait parler voilà, de sexualité, mais aussi voilà, de mariage, de n'importe quoi, tout passait à l'époque. Oui, peut-être aussi que les réseaux sociaux ont un peu tué ça aussi, le fait peut-être que... un peu aussi les écrans dans les radios ont tué ça. Ouais, enfin, c'est possible. Le fait que la radio soit filmée aussi, il y a des chances que ça ait un peu contribué à ça. Alors, effectivement, libre antenne, Thomas, mais aussi les radios libres ont permis aussi aux jeunes de pouvoir écouter ce qu'ils aimaient écouter. Et oui, c'est ça, parce que encore une fois, avant les radios libres, on écoutait en rock, c'était les Rolling Stones uniquement, sauf que les radios libres sont arrivées, elles ont ouvert le marché de la musique, elles se sont lancées dans le rock, elles se sont lancées dans le rap, et dans la dance, rappelez-vous, Dance Machine, vous vous souvenez de ça? Sophie le dit, mais... Même moi qui suis... Non, mais moi j'avais un grand frère qui a votre âge, donc j'étais baignée là-dedans. Et du coup, je proposais qu'on s'écoute un petit souvenir de Dance Machine avec Corona. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, on y va. Ça donne envie, hein. Ah là, hey. J'ai envie qu'on éteigne le studio, qu'on mette une petite boule à facettes. Allez, on y va. Et puis que je prenne ma voix de DJ, ça allume. Le propriétaire de la Renault 5 rouge immatriculé. Ce soir, c'est gratuit pour les filles jusqu'à 23h45. Dépêchez-vous. Je vous rappelle que les boissons sont payantes, mais qu'il faut faire attention. Allez, vous êtes dans Pop Culture, Culture Pop sur Fadjet. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. 23h43 dans Pop Culture, Culture Pop. On vient d'entendre Corona avec The Rhythm of the Night, l'hymne des Dance Machines. C'était une émission qui était organisée par Fun. Et M6, ouais. M6, ouais, effectivement. Diffusée bon. Sur M6 par moment. Bon, exactement. Effectivement, ouais. Et en duplex stéréo sur Fun. Oh, ah oui, duplex stéréo. Parce qu'à l'époque, on disait ça quand même. Je sais pas si vous vous souvenez. Hein. Effectivement. Et pour avoir revu des vidéos, et je termine là-dessus, de Dance Machine, ils commençaient par ça en disant vous pouvez nous écouter en stéréo FM sur Fun Radio. C'est quand même exceptionnel. Allez, 23h44. La pop culture, c'est aussi la série télé. Et moi, j'ai choisi de vous parler du retour des séries télé. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Ce soir, on va s'intéresser aux séries qui ont marqué mon enfance et une partie de mon adolescence, car celles-ci reviennent en ce moment dans l'actualité, mais des échos sériels. Quel peut être le point commun entre MacGyver, The X-Files, et l'immense série créée par David Lynch, Twin Peaks? Tu vas me laisser Twin Peaks? Avec plaisir. S'il te plaît. Très belle musique de Balamenti. Il paraît que tu t'endors là-dessus tous les soirs. C'est chanté par ta copine, c'est ça? Ouais, elle est heureuse, hein. Elle est très heureuse. Alors, toutes ces séries, elles manient toutes une relation plus ou moins distante au surnaturel. Oui, même dans MacGyver. Hein, comment croyez-vous que MacGyver puisse ramener des filles dans son intérieur de vieux garçon avec sa dégaine? Croyez-moi, ça tient parfois du surnaturel. Ah oui, non, mais... c'est ses cheveux. C'est ses cheveux, bien sûr. C'est son blouson cuir. Plaisanterie mise à part, les amis, ces trois séries, parmi d'autres, doivent revenir très bientôt sur le petit écran. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Le redémarrage, la résurrection, la continuité ou le reboot, appelez ça comme vous le voulez, c'est une marque de fabrique de la fiction anglo-saxonne. Qu'une histoire ne soit jamais vraiment finie, c'est le cas en littérature, on peut penser à Sherlock Holmes par exemple, hein, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Au cinéma, la grande série des sequels, préquels et consorts, et puis dans les comics, où l'on peut faire mourir un héros et le ressusciter de la plus anodine des façons. Le reboot fait donc partie intégrante du processus de fabrication d'une œuvre culturelle. Il existe a priori, il constitue une option que l'on peut emprunter ou non dans la narration, bien que cette option ne soit pas une option systématique. Et d'ailleurs, il y a toujours plus de séries qui disparaissent à tout jamais que de séries qui se relèvent de leur petite mort. Le reboot, c'est aussi une geekerie. Je m'explique. Cette culture geek fonctionne par accumulation, par empilement de couches successives de connaissances, avec l'espoir d'acquérir un savoir exhaustif sur un sujet. Sur ce point, les héros de The Big Bang Theory nous offrent un bel exemple, avec notamment leur adoration et leur... ils sont plutôt pointus sur Star Wars ou Star Trek. Ressusciter une série quelques années après une fin qui au final n'en était pas une, c'est aussi remettre en perspective cette série. Elle serait donc inachevée. Elle aurait été à un moment déterminé, présentée comme finie, mais en fait, elle ne l'était pas. Vous me suivez ? Ouais. Ouais. Non. On peut supposer qu'il lui manquait quelque chose pour être totalement complète. Dans ce cas, il est envisageable de faire le reboot du reboot du reboot. Comme si on ajoutait sans cesse des nouvelles touches de finition à ce qu'on est en train de construire. Ça, la série permet ça. Bon. Enfin, le reboot se montre finalement assez peu soucieux de l'original. Et pour des raisons purement économiques. Capitalisme, quand tu nous tiens. Le reboot se sert de l'œuvre première, s'y réfère. Il évoque avec une certaine insistance les personnages qui demeurent son visage, son identité. Mais il ne s'attarde pas sur le récit passé et ce qui a construit l'amour des téléspectateurs pour cette série. Moi, j'ai envie de rester très nostalgiquement sur le plaisir originel que j'ai eu en voyant pour la première fois toutes les séries télé que j'ai adorées. On peut aussi évoquer dans cette chronique les multiples diffusions d'une série, alors que les chaînes ignorent une dizaine d'autres qui mériteraient leur public en France. On pourrait aussi évoquer la désagréable habitude des chaînes à programmer les épisodes dans le désordre. Mais j'arrête là, les amis, parce que vous allez me prendre vraiment pour un vrai geek des séries. Au final, je pense que le reboot d'une série, c'est pas la meilleure nouvelle de l'année pour les vrais amateurs de séries télévisées. Pour ma part, je pense y jeter un œil curieux en espérant que ces résurrections sérielles complètent l'œuvre originelle. Mais dans la surabondance des très bonnes séries aujourd'hui, à quoi bon revenir vers le passé dans une nostalgie qui peut-être nous décevra? La question reste posée, chers amis. Et oui, Non, mais c'est toujours une question que je me pose. Moi, quand je regarde une série que j'aime, c'est toujours cette tristesse de voir le personnage que j'aime disparaître. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de le voir revenir et d'avoir la déception, effectivement. Voilà, et moi, je pense que c'est ce qui va se passer avec MacGyver, X-Files. Mais parce que MacGyver, et... c'est pas lui qui revient, c'est pas. Ouais, on va. Alors, dans le reboot de MacGyver, d'après ce que j'en sais, on va évoquer la jeunesse de MacGyver. Donc, ça veut dire. On va essayer de savoir et de comprendre pourquoi MacGyver est devenu MacGyver, c'est-à-dire pourquoi il a cette coupe de cheveux, pourquoi il a une Jeep et pourquoi il aime se balader de faire dans une la bombe nature. Avec son lacet de chaussures et un chewing gum. C'est un peu Star Wars quoi finalement. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est à ça que je voulais arriver avec cette chronique, c'est qu'au final tout le système est construit de cette façon-là, c'est-à-dire que de toute façon le fait de faire un reboot, c'est une option dans une histoire qu'on choisit ou non de faire. Et quand on choisit de le faire, parfois c'est quand même pour des raisons excessivement financières et pécuniaires. Et moi, je voulais vraiment insister sur la fin de ma chronique en précisant qu'il y a tellement de bonnes séries actuellement qui parlent de choses très actuelles et parfois très pointues sans forcément être chiantes, sans forcément être ennuyeuses. Du coup, ça vaut vraiment le coup de les découvrir et de peut-être pas trop s'attarder sur des épiphénomènes hein, qui sont vraiment ces reboots de séries qu'on aurait pu aimer. Alors, tu disais que cet effet, c'est aussi une accumulation de savoir et moi, ça m'évoque... une expression d'un auteur. Alors, désolé, je sais plus qui a dit ça, mais que finalement, quand on a fini une œuvre, ce qu'il faut se demander, c'est pas s'il y a encore quelque chose à rajouter, c'est s'il y a pas plutôt quelque chose à enlever. Et voilà, ta chronique, ça m'évoquait un petit peu ça, que peut-être que c'est fini quand on a plus rien à enlever, voilà. Ouais. Plutôt et que quelque que chose juste, à rajouter. Et peut-être que justement, maintenant, c'est fini parce qu'on a plus rien à rajouter à ce que tu viens de dire. Effectivement. Donc sur cette note philosophique, l'œuvre était parfaite. C'est parfait. C'était aérien comme d'habitude. Hein, effectivement. Allez, on passe à la musique. Allez. Ah. À la bande de Béranger. Oui, oui. Ah oui. Non mais. J'étais toujours en CM2. Mais j'adore. Je m'endormais avec cette musique dans les oreilles la nuit avant d'aller me coucher. Alors vous les avez peut-être reconnus. C'est FL65 avec Blue. Da ba di ba da da. C'est ça. J'aurais fait un très mauvais animateur radio en 1999, moi. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. 23h53 dans Pop Culture, Culture Pop. La pop culture, c'est aussi du sport. Et avec toi, Béranger, on va revivre des grands moments de sport ces 30 dernières années ou c'est peut-être un peu... C'est un peu plus restrictif quand même. D'accord. Mais ça se déroule sur les 30 dernières années. D'ailleurs, tout d'abord, grand plaisir d'être avec vous ce soir. Ça fait super plaisir d'être derrière le micro de Fadjet et de souhaiter un anniversaire à Fadjet comme il se doit pour ces 30 heures de direct. Et pour ma chronique, j'ai décidé donc, bien entendu, d'être léger. Donc, je ne vais pas rentrer dans le côté sociétal du sport ou du fric. Je veux simplement vous rappeler quelques beaux moments que tout le monde a vécu tous ensemble. Puisque une des rares choses dans notre monde qui fédère les gens, bon, on est bien d'accord, c'est le sport. Bon, il y a la musique, il y a plein de choses, c'est le théâtre, la culture. Mais le sport aussi fait partie de la culture. Mmh. Donc, je ne vais pas parler des affaires d'argent dans le sport, de la traite des hommes dans le football, ni des scandales sexuels. Non, non, Thomas, je ne diffuserai pas le son de la sextape de Valbuena. Oh. Je sais, je sais que Julien. Moi, je suis venu pour Julien faire là. Oui, je les garde précieusement. Julien s'en chargera dans une matinale, j'ai l'impression. Donc soyons positifs en ce jour d'anniversaire. Donc 30 ans de radio, 30 ans de partage, 3 décennies d'émotions positives. Et le sport véhicule lui aussi ses émotions. Reprenons ensemble 3 événements sportifs qui ont rassemblé des gens. Et comme je suis un peu chauvin, on va parler un peu des équipes de France. Et comme j'aime le foot, bon, on va parler un peu de foot. Et on commence tout de suite avec les années 90 et on écoute tout de suite. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là là là là là là! J'ai laissé le oh putain là. C'est pas vrai. Et vous aurez sans doute reconnu Thierry Roland. Bah oui, exactement. Le regretté Thierry Roland qui nous a bien fait rire au micro en tout cas. Donc le 12 juillet 1998, je pense que tout le monde se rappelle ce qu'il faisait le 12 juillet 1998. Oh là, oui, tu faisais quoi toi, Thomas? Oh bah moi j'étais devant ma télé, mais alors je vous raconte pas, j'habitais à Ycourt et j'ai traversé la grande rue d'Ycourt avec mon drapeau. Oh. Mais comme un fou. Le 12 juillet 98, le jour où la France, où Thomas a traversé la grande place des cours, mais où la France a remporté la Coupe du Monde de football. Symbole de la France, Black Blanc Beurre, cette équipe était la représentation même de notre pays. Imaginez, au but, Fabien Barthez, né dans l'Ariège. En défense, vous avez Marcel Dassailly, qui est né au Ghana. Au milieu, Zinedine Zidane, d'origine kabyle. Et en attaque, vous avez David Trezeguet, joueur franco-argentin. Alors ça, si c'est pas du métissage, hein, moi je m'y connais pas. Puis 3-0 contre le Brésil en finale, ça c'est du bon boulot. Reculons un peu dans le temps pour ce deuxième événement, 1984. Fadjet était en passe d'être créé et l'équipe de France à l'Euro remportait son premier titre majeur contre l'Espagne en finale avec un certain Michel Platini. Michel Platini à l'entraînement. Il n'a pas le tempérament à boire du rap-la-pla. Quand Michel Platini a soif, pour se désaltérer, il boit fruité. C'est bon, c'est aux fruits. Fruité, c'est plus musclé. Et oui, Michel Platini, déjà star à cette époque, hein, parce qu'il faisait de la pub, en l'occurrence, c'était pour des boissons fruitées. Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil sur YouTube. Désolé pour la qualité du son, c'est un son YouTube, mais c'était tellement bon à écouter. Bon, on ne présente plus Platini, hein, lorrain d'origine, de Jeuf plus précisément. Ce fut, à mon avis, la vraie première grande star du football en France, premier vrai grand joueur français à s'expatrier, et pour lui ce fut l'Italie avec la Juventus de Turin, un retour aux sources pour lui en quelque sorte, puisque Aldo Platini, son père, était un fils d'immigrés italiens originaires du Piémont. Tout le monde connaît Michel Platini, pas besoin d'en faire des tonnes. D'ailleurs, Sophie, tu la connais, Michel Platini? Bah, de nom. Son surnom, c'était quoi? Non, ça, je sais même pas. Tu connais pas le surnom de Michel Platini, non. Julien? Platoche. Platoche, bien joué. Tu vois, non. Non, moi, je connaissais Fastoche. Mais... Ça ressemble un peu. Non. On termine ma petite chronique sur, non pas une victoire, mais sur un fait de jeu qui a fait peut-être perdre la France. On ne le saura jamais. Pardon. Pardon, ne t'inquiète pas. Non, c'est pas parce que il est encore reparti au grenier, il a cherché le son. Tu reviens! Le voilà. Reviens Thomas, reviens! On voit Zizou. Oh Zinedine. Ah, c'est pas beau. Ça. Pas du tout avec pas le Zinedine. Pas ça Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Et pour les inconnaisseurs de football, vous avez reconnu tout à l'heure Thierry Roland, là c'est Thierry Gilardi qui commente. Le fameux coup de boule de Zidane, on a entendu des chansons sur ce coup de boule. On rappelle que Zidane répond à une agression verbale de la part d'un Italien, mais bon, c'est pas un geste qu'on aimerait revoir sur les terrains de foot. Discutable et discuté, il reste quand même un fait exceptionnel dans le sport, puisqu'il se déroule en finale de Coupe du Monde de football, c'est-à-dire devant, je pense, l'événement télévisuel le plus médiatisé dans le monde entier, qui plus est dans un match dont le résultat n'était nullement joué au moment du coup de tête. Et le geste du footballeur, à savoir aussi qu'il a fait a donné lieu à quelque chose de particulier, puisqu'on a fait une sculpture en bronze de ce coup de boule, c'est-à-dire qu'en plus la statue s'intitule coup de tête, et elle a fait plus de 5 mètres de hauteur. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, de ces événements, bien au-delà du sportif, un but, un geste, un match peut parfois être plus explicite que beaucoup de paroles, et c'est ce qu'on nous ont prouvé les Anglais tout récemment cette semaine, en reprenant dans leur stade de Wembley la Marseillaise en soutien de la France victime des attentats. Donc je dis à tout le monde vivement l'Euro 2016 et en France, qui va se dérouler en France, et peu importe que la France gagne ou perde, l'important c'est que l'on soit tous ensemble. Ah oui, il y a des gens qui s'impatientent à la porte du studio. Merci. Merci Béranger pour cette chronique sport. 23h59 et 14 secondes. On aurait bien aimé rester une heure de plus. Mais on dirait des zombies qui veulent rentrer. nos amis d'Europe and Roll, les jeunes gens d'Europe and Roll vont nous chasser du studio. Hein. Ils sont là, ils trépignent d'impatience. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Nous, ça nous a fait très plaisir d'être dans ces 30 heures de radio, fêter dignement les 30 ans de Fadjet. Très bonne continuation à toutes et à tous et à tous ceux qui vont nous suivre dans ces 30 heures. Les 30 heures, c'est jusque demain, au moins 15 heures, c'est ça? Absolument. Et ouais.